je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Restez en lien avec Plein Cœur. Réagissez sur l'antenne. Échangez avec vos animateurs. Commentez en appelant le 0892 68 31 68 ou bien sur contact@pleincoeur.fr. Bonne journée sur Plein Cœur. Il est midi. La météo sur Plein Cœur. La météo de ce mardi, entre nuages et éclaircies le matin sur l'ensemble de la Haute-Saône, les températures 13 degrés à Écuvillers, 14 degrés à Lure, 14 degrés à Vesoul, 13 degrés à Villers-Excelles. Dans l'après-midi, le temps reste stable, toujours du soleil, accompagné de passages nuageux. Le thermomètre affichera 21 degrés à Écuvillers, 22 degrés à Jussey, 21 degrés du côté de Vesoul ou encore 22 degrés à Vauvillers. Tenez-vous informé de l'actualité proche de chez vous avec la rédaction Plein Cœur. Bonjour à tous. L'homme de 44 ans, suspecté d'avoir poignardé à mort la victime de 22 ans à Rio, en Haute-Saône, le 2 août dernier, a été mis en examen pour meurtre aggravé et incarcéré. Après dépistage, le meurtrier présumé était positif aux stupéfiants au moment des faits. Le juge d'instruction a demandé la mise en détention provisoire du quarantenaire en attendant un futur procès. L'avocat de ce dernier ayant réclamé un délai, le rendez-vous devant le juge des libertés de la détention a été reporté à ce jeudi 10 août. D'ici là, le suspect est incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon. Le conducteur d'une berline allemande, auteur d'un grave accident survenu au cours de la nuit de vendredi à samedi dernier à Audincourt, court toujours, rien de nouveau, soulignait ce lundi Yves Cellier, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. La victime, une policière de 31 ans qui effectuait un contrôle avec un autre fonctionnaire, a été projetée sur plusieurs mètres. Blessée au genou et souffrant de multiples contusions, la jeune femme est sortie de l'hôpital. Elle est arrêtée pour les deux prochains mois. Et puis une enquête judiciaire était en cours ce lundi après un accident de la route survenu dimanche sur l'autoroute A6 dans l'Yonne. Celui-ci aurait eu lieu à hauteur de la commune de Saint-Cyr-les-Colons dans le sens Lyon-Paris aux alentours de 16h. Un homme a eu un accident avec un véhicule du peloton motorisé de la gendarmerie d'Avallon avec plusieurs personnes à son bord. L'homme a ensuite pris la fuite à pied, le véhicule étant resté sur place. Le fuyard n'a toujours pas été localisé, l'enquête est donc en cours. L'association Entreprises et Découvertes a publié les résultats de son observatoire 2023 des visites d'entreprises et surprise, deux confiseries vosgiennes arrivent dans le top 10 des entreprises les plus visitées de France. La confiserie des Hauts-de-Vosges à plein fin est une entreprise artisanale et familiale et c'est même l'entreprise agroalimentaire la plus visitée de France. Et puis côté football, depuis deux semaines, l'association de supporters du FCSM Sociochaux a lancé une cagnotte en ligne. L'initiative a déjà réuni plus de 170 000 euros, une somme conséquente. Son but, aider le club dans sa restructuration, tout en conditionnant ses fonds à une entrée des supporters au futur conseil d'administration du club. Quand le jazz est là, la java s'en, va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircie à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts, et le ciel que je te dois est un ciel sans étoiles. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang, et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. C'est Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Leclerc. Bon, je file prendre du thé glacé, j'ai un gros programme aujourd'hui. Du thé glacé? Ah bah t'as pas vu? Le 9 août, il y a 34% en tickets Leclerc sur tout le rayon. Sur tous les thés glacés? Top! Et c'est quoi ton programme? Ah bah Transat, lunettes de soleil et thé glacé. Avec 34% en tickets Leclerc. Exactement. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produits en promotion, produits au rayon frais, eau aromatisée à base de thé et produits Eco Plus. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. C'est au cœur du Sud-Ouest que nos terroirs révèlent toute leur authenticité. Entre océans et Pyrénées, au détour d'une cave d'affinage de l'emblématique jambon de Bayonne IGP, salé et affiné dans le respect de la tradition. Aux racines de cépages originels, gage d'une qualité certifiée qui donne naissance au vin IGP Côte de Gascogne, fruit du travail de vignerons passionnés. Le Sud-Ouest est un territoire riche de savoir-faire. L'Europe défend ses terroirs. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Il était une fois un géant, exigeant, qui n'aimait que ce qui était grand, comme lui. Jusqu'au jour où il trouva les abricots Origine France labellisés vergers éco-responsables à 2,65€ la barquette de 1 kg chez Aldi. Depuis, il aime aussi beaucoup les petits prix. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 12 août, info sur aldi.fr. Tu as vu? Bure Vallée baisse ses prix pour la rentrée. Quoi? Oh, c'est un super plan ça. Oui, ils baissent leurs prix sur une sélection de produits. Et ça peut aller jusqu'à moins 60%. Il y a des surligneurs, stylos, classeurs et plein d'autres produits. Wow, jusqu'à moins 60% sur de nombreux produits. Bah, je t'accompagne chez Bureau Vallée, hein. Moi aussi ça m'intéresse. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable du 7 au 19 août sur une sélection de produits indiqués par un prix barré. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Ramsès, quel nom on donne à la pub feu vert sur le pouvoir du chat? De Cat Vengeurs ou le gardien de la carrosserie? C'est une pub sur le pouvoir d'achat, pas le pouvoir du chat. Hein? Ben oui. Notre vrai pouvoir chez Feu Vert, c'est de vous faire économiser 20% sur le deuxième plan en cook. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Offre soumise à la pause, voire sélection et conditions sur feuvert.fr. Chez Conforama, on pense à ceux qui ne passent jamais leur tour pour les bonnes affaires de rentrée. Avec le lave-linge Candy 8 kg, 1200 tours minute, classe B, à 299,99€. Soit 70€ de remise. Conforama, jusqu'au 4 septembre, voire conditions sur conforama.fr. À tous ceux qui ont ressorti leur ventilateur caché dans le placard depuis un an. À ceux qui d'un seul coup deviennent très sympas avec les voisins qui ont une piscine. Et à tous ceux qui se trouvent tous les étés une passion pour les visites d'église. En ce moment, Intermarché offre 34% en avantage carte sur les 6 cônes extrêmes vanille pépite de nougatine Nestlé, soit 2,23€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, 3,39€ prix payé, 426 grammes, soit 7,96€ le kilo, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Votre programme 100% succès français revient maintenant. Plein cœur. L'amour et le soleil séparés. Il est mort le soleil. Mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchis plus mon seuil. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier, pour moi, il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était degrés. C'est pareil. Salon, qui brille comme un soulier. Il y a un joli napperon et une huître cendrier. Il y a des fruits en plastique vachement bien imités, dans une coupe en cristal vachement bien ébréchée. Sur le mur dans l'entrée, il y a des cornes de chamois pour accrocher les clés. La cave où on va pas, les statuettes africaines côtoient sur l'étagère, les petites bestioles en verre, saloperies vénitiennes. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Une belle corrida sur un moche éventail, posé au-dessus du sofa comme un épouvantail. Sur la dentelle noire, il y a la mort d'un taureau qui a du mal à croire qu'il est plus sous Franco. Il y a une pauvre vierge, les deux pieds dans la flotte, qui se couvre de neige lorsque tu la gigotes. Le baromètre éteint dans l'encre de marine, et la photo du chien tirée d'un magazine. C'est tout petit, chez la mère à Titi, mais y a tout ce que je te dis. Cette femme-là, si tu la connais pas, t'y crois pas, t'y crois pas. Sur la télé qui trône, un jour j'ai vu un livre, je crois que c'était le Grand Aulne, près de la marmite en cuivre. Dans le porte-journaux, en rotin, tu t'en doutes, y a nous deux, le Figaro, le catalogue de la redoute. Puis au bout du couloir, y a la piole à mon pote, où vivent ses guitares, son blouson et ses bottes, sa collecte BD. Et au milieu du souk, le mégot d'un tarpé et un vieux New Look. C'est tout petit, chez la mère à Titi, le Titi s'en fout. Il me dit que sa fille est toute petite aussi, et que chez lui, c'est partout. Sa mère lui dit qu'il est louf, qu'il est même pas marié, que ses gonzesses sont des poufs. Et que s'il s'en allait, pas question qu'il revienne avec son linge sale à laver à la fin de chaque semaine. Alors il reste là, étouffé mais aimé, s'occupe un peu des chats en attendant de bosser. Il voudrait faire chanteur, sa mère y croit d'ailleurs, vu qu'il a une belle voix comme avait son papa. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. La misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. C'est le vie, j'ai la mère à Titi. Plein cœur, plein cœur. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es inconsolablement. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Muffins aux fraises et confiture de framboise. Vous n'allez pas résister à ce dessert, j'en suis sûre. Il vous faut 2 gros œufs, 50 g de sucre, 150 g de farine, 60 g de beurre ramolli, 2 cuillerées à soupe de lait, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillerée à café de levure chimique, 3 cuillerées à soupe de confiture de framboise et 100 g de fraises. Préchauffez le four à 180 degrés thermostat 6. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la levure et le sel et ajoutez les œufs et le beurre. Remuez puis incorporez le lait, la crème fraîche et la confiture. Mélangez, lavez puis équeutez et coupez les fraises en morceaux. Ajoutez-les à la pâte. Versez la pâte aux 3/4 dans les moules souples à muffins et puis enfournez durant 25 minutes. Il ne reste plus qu'à laisser tiédir avant de démouler. Tous les Roger qui à l'instant sur plein cœur. Pour la suite de vos tubes, c'est dans quelques instants. Et oui, on a rendez-vous avec les Jardins du Ciel, Jairo ou encore Christophe Maé ou Philippe Laville. Merci de nous écouter. Merci à Martine qui nous écoute à Vesoul sur le 107.5. Soyez les bienvenus sur plein cœur. Maxime avec vous jusqu'à 14h. Dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre. Petit oiseau, sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. À ton tour, maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. C'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Dans tout et la colère qui nous suit partout, y a des silences qui disent beaucoup vous et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. Ça sert de courir partout. On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. Comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant. 100% succès français. Plein cœur. Dis-moi, petit chaperon rouge, où vas-tu de si bon matin? C'est ma mère grand, mais pas la peine de me suivre, le loup. Avec ses menuiseries DNS Fenêtres, accroche-toi, Mich-Mich, pour réussir à rentrer dans sa maison. DNS Fenêtres, depuis 2009, le spécialiste de vos menuiseries sur mesure pour vos projets de fenêtres, volets, stores, portes d'entrée, baies coulissantes, portes de garage, véranda, pergola, portail et clôture. DNS Fenêtres intervient partout en Franche-Comté. DNS Fenêtres. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Bonjour. Bonjour. Vous auriez des concombres? Oui, regardez comme ils sont beaux. Ah ouais, top. Tout frais et origine France. Et à 1,29€ le lot de 2, soit 64 centimes l'unité. Tout à fait. Ça me donne envie d'une salade de concombres. Et d'une soupe de concombres. Oh, et du tzatziki. Ça c'est bien ça. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 8 au 10 août, lot indivisible catégorie 1, calibre 400-500 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour un barbecue réussi, il vous faut du soleil, de la viande de qualité et une bonne bouteille. Pour le vin, c'est simple. Rendez-vous au comptoir des vignes à Lure et à la cave Rue Brimontaine à Rougemont. Nos cavistes vous apportent leurs meilleurs conseils pour choisir vos bouteilles. Grand cru, sélection coup de cœur, mais aussi champagne, spiritueux. Avec le comptoir des vignes à Lure et la cave Rue Brimontaine à Rougemont, mettez vos papilles en émoi. Retrouvez-nous aussi sur damido-boisson.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Rentrédiscool.com. Non mais tu crois que c'est le moment de faire de la musique avec ta fille? Et le supermarché pour les fournitures scolaires? Tout est déjà plié, cliqué, envoyé sur rentrédiscount.com. Yeah! Et oui, sur rentrédiscount.com, faire sa rentrée n'a jamais été aussi simple. Maxi choix, prix mini, 3 fois sans frais et plus de 1000 modèles de sacs scolaires. Ok! 1, 2, 3, rentrédiscount.com. Rentrédiscount.com. Du bonheur pour toute la famille. Choisissez, commandez, profitez. Vous voulez Roche-Mazet cet été? Clairement rosé, le rosé clair de Roche-Mazet. Avec un tartare de tomate burrata. Clairement rosé, le rosé clair pour toutes les saveurs de l'été. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et vous, Lucas, pourquoi avoir choisi l'Hérissure ? Je pars bientôt au soleil. Hors de question de passer mes congés à m'inquiéter sur ce qui pourrait arriver. On a donc choisi de se faire installer une alarme Hérissure avec la télésurveillance 24h sur 24. Du coup, au programme, des vacances en toute tranquillité. Et c'est pour ces raisons que nous sommes élus produits de l'année 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hérissure.fr. Un service opéré par Hérissure, société agréée CNAPS. Si quelqu'un vous propose de roche-mazée, ne vous étonnez pas. Roche-mazée, c'est savouré en toute simplicité. Des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple roche-mazée sur des tapas. Roche-mazée en rouge sur une côte de bœuf. Ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah. On peut vraiment roche-mazée avec toutes les saveurs. Roche-mazée, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tous ceux qui n'ont pas pu bronzer comme ils le voulaient cet été, rassurez-vous, nos tomates ont pris des couleurs pour vous. Et en plus d'être délicieusement appétissantes, elles sont également à petit prix chez Cora. Et oui, du 8 au 12 août, les tomates rondes en grappe sont à 1,49€ le kilo. Profitez-en, c'est la saison. Tomates Origine France, catégorie 1, voir conditions sur Cora.fr. Cora, ça a du bon. Hyperproximité. C'est au cœur du Sud-Ouest que nos terroirs révèlent toute leur authenticité. Entre océans et Pyrénées, au détour d'une cave d'affinage de l'emblématique jambon de Bayonne IGP, salé et affiné dans le respect de la tradition. Aux racines de cépages originels, gage d'une qualité certifiée qui donne naissance au vin AOP Madiran et Pacherinck du Vic-Bilh, fruit du travail de vignerons passionnés. Le Sud-Ouest est un territoire riche de savoir-faire. L'Europe défend ses terroirs. Campagne financée avec le soutien de l'Union européenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il était une fois un jeune homme accompagné de son portefeuille magique qui pouvait parler. Eh oh, c'est trop cher, je suis vidé moi ! Clamait-il toujours haut et fort. Alors le jeune homme opta en entrée pour les avocats à 2,29€ le filet de 6 chez Aldi. Alors, on t'entend plus le porte-monnaie ? Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, variété As, origine disponible sur Aldi.fr, offre valable jusqu'au samedi 12 août, info sur Aldi.fr. T'as acheté un Big 4 couleur Shine à Lucie chez Bureau Vallée ? Oui, et alors ? Ben moi aussi j'en voulais un, il est trop beau ! Alors figure-toi que le stylo Big 4 couleur Shine, avec son effet métallisé, est à moins 50% chez Bureau Vallée, soit 1,49€ le stylo au lieu de 2,99€. 1,49€ le Big 4 couleur Shine ? Moi aussi, je vais aller m'en prendre un. Et même deux, tiens. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable du 7 au 19 août. Voir conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron ? Oh là, j'ai pas le moral. T'as pas la pêche ? Eh ben non, parce qu'ici, chez Lidl, ils ont les pêches. En ce moment, le kilo de pêche est à 2,29€. Des pêches à 2,29€ le kilo ? Eh oui, et là, il faut que je me dépêche d'en acheter. Oui, bah dépêche-toi de rentrer, oui. Oh, je me dépêche. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, calibre 67-73, chair blanche et ou jaune, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Votre programme 100% succès français revient maintenant. Plein cœur. Quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie, que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé dans les jardins du ciel. les hommes n'ont pas compris et ils l'ont chassé loin du village. Pourtant ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait: on est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant mille années. On est arrivé sous un nouveau soleil. Entend chanter l'éternité. Au bout de tes doigts, il fait son s'envole, belle demoiselle, oh non, qui se presse. scandalise. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. J'ose pas m'emballer. Jamais je m'approche d'elle. Aucun doute, elle s'envole. J'ose pas m'emballer, ouais, m'emballer. Jamais je m'approche d'elle. Donc je m'approche d'elle. S'envole oh, non, non, non, non, non, comme une rondelle. Non, moi non. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour. Quand l'une d'entre elles me dit pour qui vous me prenez. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je me dis ne te fais pas d'illusions. Rentre tout seul à la maison. C'est Pompon, mon copain de toujours, qui l'emmène chez lui, disant viens faire un tour. Et moi je reste là, à me mordre les doigts. Avec les filles, je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour. Je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour. Mais si Pompon était plus beau que moi. Il est moche et fauché. Je sais ce qu'il me doit. Je ne vois pas ce qu'il a pour plaire mieux que moi. Avec les filles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour. Avec les filles, je ne sais pas. C'est toujours le contraire de ce que me disait un ami. Pas Pompon, hein. Marcel, vous savez, Zanini, le playboy. Lunettes américaines, moustache américaine, shampoing américain. Lui, il sait, mais moi, je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez lui ou faire la cour avec les filles. Il ne sait pas, il ne sait pas. Quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux, de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances,

Que nos terroirs révèlent toute leur authenticité. Entre océans et Pyrénées, au détour d'une cave d'affinage de l'emblématique jambon de Bayonne IGP, salé et affiné dans le respect de la tradition. Aux racines de cépages originels, gage d'une qualité certifiée, qui donne naissance au vin AOP Fronton, fruit du travail de vignerons passionnés. Le Sud-Ouest est un territoire riche de savoir-faire. L'Europe défend ses terroirs. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre ? C'est un instant fraîcheur, c'est un instant d'éveil, c'est un moment savoureux. L'été, c'est la saison des planchas, des barbecues. Prenez une belle tranche de merlu, prenez une côtelette, posez sur le barbecue et vous les snackez. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif, pour faire de cet instant gourmand un moment inoubliable. Ça, ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai une nouvelle. Une bonne, j'espère. Ah bah non, désolé patron. En ce moment chez Lidl, ils font le concombre à 69 centimes la pièce. Quoi ?

mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie, quand je pense à la vieille Anglaise. J'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise, qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Envie de me avec toi. Envie de begin avec toi. Je donne mon paquet de cigarettes, ma chemise à fleurs, mon kimono. Mes plans secrets et mes plans verts, j'offre croisière avec radeau. Je donne mon lit, ma brosse à dents, mon esprit tordu mais sincère. Mes tickets bus et restaurants, je donne tout devant moi, derrière pour une begin avec toi. Envie d'une begin avec toi. Pour une begin avec toi. Envie d'une begin avec toi. Se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café,